Vous avez de gros problèmes électriques et ne savez pas vers qui vous tourner? Les entreprises Roderick Piquette sont la solution. Une équipe d'expérience impliquée dans son milieu avec un service au comptoir complet qui solutionnera tous les problèmes résidentiels, que ce soit du fil, au câble, aux boîtes électriques ou toute autre pièce. Nous avons tout ce qu'il vous faut. Tout ce qui est branché, c'est notre spécialité. Osez demander. Les entreprises Roderick Piquette, 410 8e Avenue, Dolbeau-Mistassini, 418-276-2275. Toute notre équipe désire féliciter Shane Gauthier pour sa sélection avec les Blue Bombers de Winnipeg. La semaine dernière, on apprenait que le projet de rénovation du centre sportif Benoît-Lévesque, ben, ça fait un petit peu de surplace et on attend toujours. Et question de savoir où est-ce que ça en est rendu, ben, on parle avec le maire de Roberval, Guy Larouche. Bonjour, M. Larouche. Bonjour. M. Larouche, évidemment, ça a sorti dans le journal Le Quotidien la semaine dernière. C'est le projet de 7 millions. Il y a une partie où on parle de la réfrigération. L'autre partie, c'est le gros montant. C'est la rénovation, la réfection du centre sportif. Depuis quelques jours, est-ce que ça a bougé de ce côté-là? Nous, on est à finaliser là, toutes les demandes de ce niveau-là. OK. Le projet total est de 8 millions, 7 millions pour l'ensemble des rénovations et 1 million pour le système de réfrigération. Donc, une fois que tout doit être déposé, ben, on a déjà eu des discussions également avec le bureau du premier ministre pour avoir leur appui à ce niveau-là. Ils ont déjà mentionné à différentes reprises. Donc, le reste, c'est vraiment le processus administratif régulier. Comment ça fonctionnerait, évidemment? Il y aurait du côté... pour le projet de la réfection, ce serait 33 provinciales, 33 fédérales, 33 municipales? Exactement, ça. OK. Rénovation. Et concernant le système de réfrigération, à ce moment-là, c'est 40% gouvernemental et 60% municipal, étant donné le type de réfrigération que nous avons choisi. OK. C'est jusqu'au 31 août, vous êtes donné quoi? Pour déposer tout l'ensemble au complet et que le processus soit là, oui. OK, OK. C'est notre date limite considérée. Et par la suite, on va aller, j'imagine qu'on va attendre, c'est ça, de ce côté-là? Exactement. Écoutez, mais les programmes sont vraiment fonctionnels et mis en place, c'est très intéressant, sûrement depuis environ 2 semaines. Donc, le temps qu'on complète bien toute la documentation, qu'on s'assure de toutes les conformités, donc on fait ça relativement très rapidement. Par la suite, ben là, ça va être vraiment tout ce qui est du suivi pour cet automne, là, pour s'assurer d'avoir une réponse le plus rapidement possible pour être en mesure, après ça, nous, d'aller en appel d'offres. Mais déjà, les planches tech, ingénierie, tout ça, de notre côté, tout est déjà fait. Okay. Donc, énormément d'avancées administratives qui a été faites, je vous dirais, dans les derniers 6 mois. Là. OK, OK. Dites-moi, du côté maintenant, le fait que vous avez perdu l'école de hockey de Yannick Jean, le tournoi à bout de souffle, est-ce que ça fait en sorte que ça vous donne un petit peu des munitions pour peut-être parler au premier ministre et dire, ben, finalement, on a vraiment besoin de ça? Ben, écoutez, c'est sûr qu'à ce niveau-là, toutes les démarches ont été faites. Il y a même eu un reportage également. Ouais. À la TVA. Ça a vraiment mis tout en évidence le problème, comment est-ce qu'il peut être réel. Autant sur le niveau de l'isolation, de la climatisation également, système de réfrigération. Donc, en période estivale, c'était pratiquement non fonctionnel, comme on dit pour nous. À ce moment-là, une place très, très difficile à obtenir et à maintenir également. Donc, veux pas, ça a vraiment démontré l'impact réel de tout ça. OK. Le 25 août, c'est une belle activité à Roberval. Samuel Girard va être en ville pour la première fois. Êtes-vous surpris de l'engouement? Les billets sont vendus, c'est un guichet fermé, là. Oui, exactement. Écoutez, ben, le vendredi 26 août, 19h30, ouais. On fait sale combe à l'aréna de Roberval. On est bien content de ça. Personnellement, je suis vraiment pas surpris. Écoutez, on va avoir deux équipes de qualité, soit les Saguenayens de Chicoutimi et les Cataractes de Shawinigan, pour avoir été plusieurs fois dans les années passées. Voir les matchs, la rivalité, elle est extrêmement tangible. Il y a un jeune homme également de Martyrias. Oui, effectivement. Pour les années. Exactement. Donc, c'est vraiment extrêmement intéressant. Bien entendu, localement également, le fait de pouvoir voir jouer Samuel Girard avec son équipe, ben, c'est extrêmement intéressant. OK, OK. Alors, dites-moi, en terminant, puisque je veux vous parler d'un dossier. Alors, on n'a pas eu le temps de se parler de ça parce que c'était peut-être pas le moment, la traversée internationale du Lac-Saint-Jean. Pourquoi Roberval n'aurait pas le temple de la renommée de la nage en eau libre? suite au décès de M. Robert Cossette, j'ai fait une entrevue avec Luc Bourdon, qui a écrit un livre sur Robert Cossette, et il me disait que M. Cossette avait une panoplie d'articles et sur la traversée du lac Saint-Jean, et il espérait que la ville, l'organisation de la traversée, puisse mettre la main sur la marchandise de M. Cossette. Est-ce que, du côté de la ville, ça m'a donné une petite idée, pourquoi que Robert n'essaierait pas d'avoir une espèce de soit un musée ou encore même le temple de la renommée de la Nage en eau libre? Écoutez, c'est vous amener de quoi qui est intéressant. Faudra en rediscuter. Ouais. Peut-être un moment donné, lorsqu'on aura vraiment une piscine qui est digne de ce nom localement, qu'il pourra y avoir justement un volet pour exposer tout ça. Je pense que ça vaut la peine de l'analyser, ou peut-être à la place de la traversée. On verra dans l'avenir. Par contre, ben, c'est clair que déjà, même ici à l'Hôtel de Ville ou à la place de la traversée, on souligne souvent, là, il y a des choses qui sont vraiment en évidence. Peut-être que de tout mettre ça sous le même poids sur une avenue qui pourrait être intéressante. OK. Guy Larouche, un gros merci, puis on s'en reparle un autre tantôt. Merci. Au revoir. Le maire de Robertval, Guy Larouche.